La cérémonie consacrée à la Journée mondiale de l'alimentation s'est tenue le 16 à la maison du corps diplomatique des Tongans à Pyongyang, en présence de la vice-ministre de l'Agriculture, Ko Myung-hee, des officiels des ministères, établissements et unités intéressés, de Thapan Michelin, coordinateur permanent de l'ONU et représentant permanent du Programme des Nations Unies pour le développement en Corée, des membres des représentations de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation et du Programme mondial pour l'Alimentation, notamment le représentant adjoint Bir Chandra Mandal, ainsi que des diplomates de divers pays. Les orateurs ont souligné que la Corée fait du problème de l'alimentation de la population une tâche primordiale et immobilise toutes ses forces. Ils ont insisté sur la nécessité de resserrer les échanges et coopérations avec les institutions et formations internationales dans le secteur de la production agricole. Y ont été prononcées aussi des interventions. Auparavant, toujours à la même occasion, les membres des représentations de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, du Programme des Nations Unies pour le Développement, du Programme Mondial pour l'Alimentation et de l'Organisation Mondiale de la Santé ont visité une ferme dans la banlieue de Pyongyang pour aider le travail agricole.